Bonjour, je voudrais 5 timbres pour le Japon. 5 timbres pour le Japon. Est-ce que vous auriez des timbres de collection? Oui, attendez, je vais voir ce que j'ai. Je n'en ai que deux sortes. J'aime beaucoup ceux avec la tour Eiffel. Je vous en mets 5 avec la tour Eiffel. Oui, s'il vous plaît. Alors, 6 euros, s'il vous plaît. Voilà. Merci, bonne journée. Au revoir.